D'accord, elle ne savait pas rire et s'amuser. Son corps n'avait aucune grâce pour danser. Déjà, c'était la mal aimée. Et les rondes tournaient et les marelles se faisaient sans elle. Pourtant, elle prêtait ses crayons et ses poupées. Souvent, elle portait des bonbons qu'elle leur offrait. Jamais, elles ne l'ont invitée. Et quand elle s'approchait, elle l'ignorait. Toujours elle entendait. Va-t'en d'ici. Et d'abord tu es triste, on t'aime pas. Va-t'en d'ici. Et garde tes réglisses, on n'en veut pas. Va-t'en d'ici. Alors jour après jour, le cœur un peu plus lourd, elle, que voudrait d'amour. Du premier bal, elle a aimé sa vie. Et son cœur et son corps, elle a donné. Pourtant, les amours ont passé. Ni ses rires, ni ses larmes, ni ses baisers n'ont pu les garder.